Bonsoir et bienvenue au Cirque Aquatique Magique, à votre compagnie François Gécouillard. Êtes-vous prêt pour une soirée dédiée à l'amour de la musique? Imaginez-vous donc qu'aujourd'hui, j'ai tombé dans une compilation qui s'appelle « Chansons historiques de France ». Une compilation absolument hallucinante qui contient des chansons dont les auteurs sont issus du 18e au 20e siècle. Et pourquoi ça s'appelle « Chansons historiques de France » C'est parce que quand on écoute de A à Z la compilation, qui contient des centaines de pièces, ben on peut saisir toute l'histoire de France par la musique, par des chansons. Et c'est vraiment des pièces extrêmement intéressantes, pour du moins pour les amateurs et les amatrices de l'histoire et de musique. Et on va piller cette compilation-là ce soir. On va écouter quelques pièces notables. Et on va écouter un bloc notamment consacré à Montéus, le fameux auteur de chansons vraiment populaires. On parle de la butte rouge, quoi d'autre? Quelques chansons assez hot, là, assez hot du patrimoine français. Et puis, c'est ça, on va commencer avec une pièce qui s'appelle « Les impôts » qui date de 1861. Et vous êtes assez querelle? 89.1. Et peut-être même Radio Grenouille, qui sait. Bien que j'aie une patente, une femme et des enfants, je n'aime pas qu'on plaisante des impôts, je le défends. D'enrichir notre patrie, nous devons être contents. Augmentez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Mon voisin me scandalise par un luxe injurieux. Tous les jours sous sa remise roulent des chars orgueilleux. J'entends dans son écurie hennir trois chevaux fringants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Ma femme est assez jolie, j'en suis même un peu jaloux, car elle aime à la folie des chats blancs et des chiens roux. De cette ménagerie, j'aborde les habitants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Je ne bois que de l'eau claire, par goût je ne fume pas. Frappez le vin et la bière, n'épargnez point les tabacs. Seulement, l'épicerie souffre depuis bien longtemps. Dégrevez-la, je vous prie, messieurs les représentants. Bonhomme, ne sais-tu pas qu'il est temps que tu te réveilles? Bonhomme, ne sais-tu pas qu'il est temps que tu te réveilles? Voilà 20 ans que tu sommeilles, voilà 20 ans qu'à tes oreilles l'égalité pleure et gémit. Et vive la commune, bon Dieu, et vive la commune, et vive la commune, bon Dieu, et vive la commune. Bonhomme, n'entends-tu pas, le bourgeois raille ta misère. Bonhomme, n'entends-tu pas, le bourgeois raille ta misère. Il n'y que temps s'en dégénère, que la race autrefacitaire se court aujourd'hui sous la peur. Bonhomme, qu'as-tu fait de ton cœur? Et vive la commune, bon Dieu, et vive la commune, et vive la commune, bon Dieu. Bonhomme, ne vois-tu pas qu'à tes bras on a mis des chaînes? Bonhomme, ne vois-tu pas qu'à tes bras on a mis des chaînes? Jadis tu m'appelais Peigné, de tes épaules souveraines, que je t'as la Bastille au bas. Bonhomme, bonhomme, j'ai appris de tes bras, et vive la commune, bon Dieu, et vive la commune, et vive la commune, bon Dieu. Bonhomme, ne sais-tu pas qu'à toi seul appartient la terre? Bonhomme, ne sais-tu pas qu'à toi seul appartient la terre? Sans être exigé de le notaire, tous les biens humbles prolétaires sont au contrat d'égalité. Bonhomme, bonhomme, terre à qui t'a volé? Et vive la commune, bon Dieu! Et vive la commune! Et vive la commune, bon Dieu! Et vive la commune! Combien je regrette mon cul si dodu, ma fesse bien faite et le temps perdu. Pâle ou vermeil, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes ça vient au monde, cher Aguignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail, du matin au soir, ça turbine, chair à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron, dans un guet-apens, ça se viole, chair à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent, alors ça rentre en brasserie, chair à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir, pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit, et plus bas ça glisse, un beau matin, ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison, alors ça se fout sur la paille, cher à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, pas d'héliogabale, d'effroi saisi, quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil. Pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, cher à Macar. C'était le premier bloc consacré à cette compilation Chansons historiques de France. Trois pièces extrêmement, peut-être dans les meilleures pièces de cette compilation-là. Compilation qui, soit dit en passant, comporte, oui, des chants gauchistes, mais aussi des chants de droite, voire d'extrême droite. Oui, il y a des chansons de quelques groupes d'extrême droite. C'est assez extraordinaire, cette compilation-là. On vient d'entendre la dernière pièce. C'était « Fille d'ouvrier ». Mais quelle pièce extraordinaire! On a aussi entendu « Bonhomme » et « Les impôts », qui n'étaient pas des pièces dont l'auteur était Montéus. C'était bien d'autres auteurs, un peu dans le même mot, là, du temps de la Commune. Les impôts, on parle de 1861, Bonhomme 1880 et Fille d'ouvrier 1898. Donc, du 19e siècle, les trois pièces. Que dire sur ces pièces absolument extraordinaires? Fille d'ouvrier, wow! Interprétée par... Michel Bernard. C'est une chanson qui a été composée par Jules Jouy. En fait, c'était... Lui, il a écrit cette chanson-là en s'inspirant des faits d'actualité. Et c'était destiné pour être publié dans des journaux engagés. Et à l'époque, c'était relativement courant, ce genre de chanson-là, dans cet esprit-là. Donc, vous avez saisi la chanson, ça parle du dur travail d'une ouvrière, d'une femme. Donc, c'est une chanson qui parle de prostitution, d'alcool, de viol. Voilà. Et on a entendu aussi, Bonhomme et Les impôts. Les impôts, je tenais à la passer en premier. Pourquoi? Eh bien, parce que Montéus aussi a fait une chanson sur l'impôt. Par contre, je ne l'ai pas trouvé. Mais il a dit dans sa chanson, je cite là, la chanson de Montéus sur l'impôt, au lieu d'imposer le travailleur qui a enrichi le gouvernement, imposez plutôt les noceurs qui gaspillent tant d'argent. Là, quand on dit les noceurs, c'est des capitalistes. Puis la chanson Les impôts, là, qui c'est ça que j'ai fait jouer, dont l'auteur était Jules Jouy. Gustave Nadeau, l'auteur des impôts. Dans sa chanson, ça dit un peu ça. Ça dit oui, les impôts, mais taxez les riches. Et s'il vous plaît, dégrevez l'épicerie. Extrêmement intéressant. On voit le. D'ailleurs, là, ça va être le dépôt du budget là, le 20 mars prochain par le ministre des Finances, Raymond Bachand. Alors, je t'ai dit cette chanson-là de Raymond Bachand. Et ça fait justement la distinction entre l'impôt progressif et régressif. L'impôt, c'est fait pour répartir équitablement la richesse. Et donc, il faut que ce soit les riches qui paient plus. Et oui, pour que ce soit plus équitable pour tout le monde. Parce que justice doit rimer avec équité, sinon ça ne marche pas. Sinon, on va se diriger vers le bloc Montéus. Hein? Pourquoi pas? Et là, vraiment, le bloc complet de Montéus. On va passer, dans le fond... Montéus a passé à travers trois époques. L'époque engagée, l'époque revirement de veste, militariste, et le re-retournement de veste. On va commencer avec une pièce de l'époque. On va voir les trois étapes avec trois chansons. Et on commence avec son gros classique, La Butte Rouge, 1923. Vous êtes à l'antenne de CKRL, voire de Radio Grenouille. Il n'y avait pas de Chicolette, pas de Marlou ni de beau Muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la Calette et de Paname qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents. La Butte Rouge, c'est son nom, le baptême suit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boira ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce. Comme à Montmartre où champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême suit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. J'ai repris l'activité avec mes parents. Voilà, l'activité forestière, le gémage, la métairie. J'ai commencé à assister aux réunions du syndicat local, CGT. Donc j'ai participé aux réunions syndicales. Je me souviens de la première, d'ailleurs, ici localement, hein, où j'ai pris la parole. Et là, à ces réunions syndicales, j'ai été désigné pour aller au congrès. Paf ! J'avais 21 ans. Au congrès, j'ai été chargé de prendre la parole. Quand j'ai vu ce parterre-là devant moi, la parole, moi je l'avais écrit, mon discours, hein, quand même. Ouais. Et le micro, ouais, je n'ai jamais touché ou approché un micro. Enfin, j'avais deux thèmes à traiter. Une carte de travailleurs de force pour tous les gémeurs, pour tous les résiniers et métayers, parce qu'on l'a sauté encore, il y avait le rationnement. Et l'autre, le deuxième thème, c'était l'unité syndicale, pour être fort devant l'autorité patronale. Voilà. Je fus vigoureusement applaudi. Et les responsabilités alors sont venues. En 1955, je suis devenu secrétaire général adjoint de la Fédération des gémeurs et métayers du Sud-Ouest, pour 10 ans plus tard devenir le secrétaire général. Voilà, mais j'ai continué le chemin des autres. Hein. La lutte. Il faut savoir que les gémeurs se sont battus. L'histoire des gémeurs, elle vient de très loin. Le premier choc fut terrible, la mêlée indescriptible. On s'est battu comme des fous. J'ai pour ma première bataille reçu une belle entaille, mais je suis resté debout. Moi qui détestais la guerre, car je suis humanitaire, je pouvais pas en croire mes yeux. Sans vouloir jouer à l'apôtre, c'est moi qu'entraînais les autres. Oui, j'étais le plus furieux. C'est pour notre indépendance que l'on marche sans défaillance, comme si c'était le grand soir. Que l'on soit syndicaliste, anarcho-socialiste, tout chacun fait son devoir. Certes, cela est pénible quand on a le cœur sensible de voir tomber les copains. Mais quand on est sous les armes, on ne doit pas verser de larmes, on accepte le destin. Ce qu'il faut, pas de critique, encore moins de politique. Dites à Monsieur Gervais qu'il garde pour lui son histoire, nous gardons pour nous la gloire, à nous battre en bon français. Qu'il sache que dans la fournaise, nous chantons la Marseillaise, car dans ces terribles jours, on garde l'international pour la victoire finale. On la chantera au retour. C'est curieux, j'ai fouillé les archives. J'ai vu qu'en 1840 à peu près, le conseil municipal de l'époque avait été élu par 42 électeurs

Bon, c'est pas très clair. Ça veut dire que c'était pas tout à fait chronologique, apparemment. En tout cas, il y a une confusion dans cette situation-là. Mais, dans le fond, la première pièce est une chanson antimilitariste. La butte rouge, là, ça dit « Les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. » Et après ça, on a entendu « Lettre d'un socialo » et là, c'est très clair dans cette chanson-là. « Avant, j'étais un humanitaire, j'étais un gauchiste, mais je me suis rallié, maintenant je chante la Marseillaise. » Et même à la fin de la chanson, il dit carrément, il dit « Mettons de côté l'international, on la chantera au retour. » Donc ça, c'est très comique. Et 1937, « Vas-y, Léon. » Donc là, parce qu'il est comme tombé en disgrâce hein, quand il a viré sa veste. Là. Alors après ça, il est tombé un peu en disgrâce, mais il a voulu revenir vers la gauche et puis il a chanté, il a notamment fait « Vas-y, Léon. » En l'honneur de Léon Blum. Qui était Montéus? Il est né Gaston Mardoquet Brunswick. il était juif. Donc, c'est pour ça qu'il a changé son nom. Parce qu'il voulait pas. Évidemment, il y avait de l'antisémitisme. Les juifs, on le dira jamais assez souvent, c'est le peuple historiquement le plus discriminé depuis très très longtemps. C'est les premiers à avoir été victimes de racisme. Et après ça, ça a été qui? C'était évidemment les gitans. Donc, Montéus est né d'une famille de 22 enfants. Il a commencé à chanter à 12 ans. Et sa première chanson, c'était « Aux camarades du 153e ». Donc, ça va être un régiment. Mais après ça, il a fait la première chanson qu'il a fait connaître, c'est justement une chanson contre la guerre, en quelque sorte. C'est « Gloire au 17e ». Et là, c'est effectivement un régiment, mais c'est un régiment qui avait refusé de fusiller des vignerons. Alors, c'est une chanson contre la guerre, si on veut, en quelque sorte, qui fait l'apologie de certains déserteurs. Et c'était même l'ami de Lénine. Imaginez-vous donc que Lénine, à un moment donné, il s'est exilé en France. Et étant donné que à cette époque-là, les gens n'étaient pas nécessairement très lettrés, alors la chanson, c'était extrêmement important pour passer les messages. Et Montéus chantait avant l'avenue de Lénine, avant ses conférences, pour attirer les gens. Et donc Lénine, après ça, il était... En fait, Montéus faisait la première partie de Lénine. Disons-le comme ça. Ça va être clair pour tout le monde. Et en 1914, il s'est quand même rallié à la guerre. Il a écrit des chansons militaristes. Il ne s'est pas gêné. Et c'est après la lettre d'un socialo qui a écrit la butte rouge. En 1919, donc l'année suivante. Et dans les années 30, il a rejoint un groupe qui s'appelle la SFIO, qui soutient le Front populaire. Et c'est là qu'il a fait « Vas-y, Léon ». Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été contraint de porter l'étoile jaune. Et il est mort, oublié de tout, dans la pauvreté, en 1952, un an avant Staline. Oh là là! Connaissez-vous le chant des partisans? Peut-être connaissez-vous la version interprétée par Leonard Cohen? Allons écouter la version originale, une pièce de 1943. On est au Cirque Aquatique Magique et vous êtes en compagnie de François Gécouillard. C'est pour moi un immense plaisir de vous insérer cette musique dans les oreilles. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds d'un pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Diffusion française. Le comité d'action militaire du Conseil national de la Résistance et l'état-major national des forces françaises de l'intérieur adresse à la population parisienne l'appel que voici. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en retraite avec les débris d'unités démoralisées. Les forces françaises de l'intérieur se sont magnifiquement battues suivant l'exemple de la France entière. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. L'heure de la libération définitive sonne. Français, debout, tous au combat. Demandez le dernier succès du docteur Goebbels avec la photographie du Führer et des principaux collaborationnistes en uniforme de pendu. Demandez la complainte des nazis. Écoutez bien, on va vous chanter le premier. Une année finie, l'autre commence. L'un après l'autre, les mois s'avancent, apportant dans leur cortège bleu la promesse de jours plus heureux. Et pendant que la victoire s'apprête à revêtir ses habits de fête, le voile noir des désastres s'étend, oui, sur le Reich et ses derniers amis. C'est la complainte des nazis, le crépuscule avant la nuit, qui met au cœur des Hitlériens l'âpre terreur du lendemain. Elle exprime par ses accents la sourde angoisse du châtiment. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. Miliciens, mouchards, tristes apôtres, cette complainte est également la vôtre. vous les traîtres, les vendus, les fourmis, vous les lâches et les la vôtre aussi, tortionnaires, bourreaux et mercenaires, et le rythme, votre heure dernière. Collaborateur, écoutez-la bien, c'est pour vous que chante ce refrain. C'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. Et en chœur, c'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. Mesdames, messieurs, chers amis, vous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui vont mourir. Cette phrase gravée sur les planches d'une baraque, quelques instants avant d'affronter le peloton d'exécution, a été écrite par Guy Moquet, 17 ans et demi, fusillé le 22 octobre 1941 à Châteaubriant, Loire-Atlantique. Dans cette période de tension que nous vivons, le message à transmettre et qui aucune société ne peut vivre sans référence à des droits et des valeurs pour lequel nos fusillés, nos déportés, nos maquisards ont donné leur vie. Faisons nôtre cette phrase de Lucie Aubrac, « Résister se conjugue au présent ». Révoltez-vous, Paris a des usines, revendiquez le prix de votre labour. Emparez-vous des outils, des machines, comme à la peine aucun soyez égaux. C'est par vos bras, vos cerveaux qui fatiguent, que le bonheur ici passerait beau. Ne criez plus contre ceux qui l'endiguent, brisez la digue, il s'étendra partout. Révolution pour que la terre soit un séjour égalitaire. Révolution pour renverser tout ce qui peut nous oppresser. Révolution pour que les sciences en paix nous donnent leur jouissance. Par la raison et par l'action, debout partout, révolution. Révoltez-vous, les amants, les mères, ne soyez plus de la chair à plaisir. N'enfantez plus d'avorton mercenaire, c'est de l'enfant que défend l'avenir. L'homme n'est pas ici pas votre maître, nul n'a le droit de s'imposer d'ailleurs. Libre soyez, mais surtout restez libre. Qui sait aimer, qui nous rendra meilleurs. Révolution pour que la terre soit un séjour égalitaire. qui peut nous apprécier. Pour que les siens, en paix nous donnent leur jouissance, par la raison et par la science, vous partons réveillés. Quel parcours historique et spectaculaire qu'on fait là dans cette émission du Cirque Aquatique Magique. Des pièces de l'histoire de France. On vient d'entendre trois autres pièces absolument extraordinaires. Révolution a été chantée par Marty ou Mardy. La complainte des nazis était de Pierre Dac. Et le chant des partisans était interprété par un auteur anonyme. Toujours est-il que la chanson a été écrite par Joseph Kessel et Maurice Druon. Elle a été créée en 1943. En fait, le chant des partisans, ou on appelle aussi le chant de la libération, c'est ni plus ni moins que l'hymne de la résistance française. Et c'était une chanson qui servait d'indicatif pour, vous savez, la radio britannique BBC. Il y avait une émission pour les Français. C'est une émission qui était diffusée de l'Angleterre, qui était diffusée dans la France occupée. Et puis cette chanson-là était... l'objectif, c'était de... Les gens sifflaient le chant parce que c'était difficile d'écouter la radio parce que c'était brouillé par les Allemands. Alors les gens la sifflaient. Simplement, la mélodie, on pouvait l'entendre malgré le brouillage. Et c'était tellement populaire que même l'aviation britannique a parachuté des disques avec cette pièce-là. Alors voilà, il paraît même qu'il y a des exemplaires des disques qui ont été descendus par la DCA allemande. Oh là là! Et qu'est-ce qu'on a entendu d'autre d'absolument spectaculaire? On a entendu la complainte des nazis de Pierre Dac. Pierre Dac qui on connaît bien parce qu'il faisait justement l'animation dans les émissions pour la France libre. Alors, il faisait ça sur la radio britannique. Il faisait des émissions. C'est un humoriste, comme vous avez remarqué. Hein, c'est une chanson drôle. Il en a fait plusieurs autres aussi. Pierre Dac, c'est très intéressant ce qu'il a fait. La complainte des nazis, je ne la connaissais pas avant de découvrir évidemment la compilation extraordinaire « Chansons historiques de France ». Sinon, la dernière pièce, en fait, du bloc, c'était Révolution, qui a été composée en 1910. Qu'est-ce que c'était que cette pièce-là? C'était interprété par Marty. Alors, ça a été composé par Robert Guérard, qui était un chansonnier libertaire, très populaire dans les milieux ouvriers, et il a composé de nombreuses chansons, dont « Si les métaux parlaient »,« La voix du bronze », Guerre à la guerre. Donc, vous voyez le genre de chanson. Et avant la Première Guerre mondiale, il participait à l'animation des galas et sorties organisées par les groupes anarchistes. Et les paroles, c'est intéressant. Chaque couplet parle. Le premier parle des travailleurs, travailleuses. Après ça, il parle de la réappropriation des terres. Après ça, il parle des femmes. Après ça, il parle des soldats qui doivent évidemment déserter. Il parle des religions. Chaque couplet est vraiment dédié à un thème. Parce que cette chanson-là, extraordinaire. J'adore ça. C'est une chanson un peu épique. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire que c'est ringard et puis que c'est pas écoutable. Mais moi, personnellement, j'adore ça. J'ai des frissons. Écoutez cette musique-là. Thank you. va se laisser très bientôt. Peut-être dire les adieux tout de suite ou on attend un peu? Non, on va le faire tout de suite. Alors, c'était le Cirque Aquatique Magique. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes les autres qui précèdent sur jeunefou.blogspot.com. Et sinon, n'oubliez pas que bientôt, ça va être le Radioton de CKRL. Le 30 et 31 mars et le 1er avril prochain. Évidemment, vous pouvez faire des dons, tout ça. Allez voir toutes les informations sur ckrl.qc.ca. Mais sinon, on va écouter une pièce, tiens, des étudiants et étudiantes en grève en ce moment. La pièce s'intitule « On va gréver encore ». Vous allez la reconnaître. Au moins, vous allez reconnaître l'air. Ciao! À la prochaine! Vous allez tous les soirs, nos poings levés pleins d'espoir. Quand on en aura encore moins qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin le vent et qu'on ira tranquillement. Quand le vase aura débordé, qu'il ne restera plus qu'à se lever. On va gréver encore au travers des routes de Gaspé à Val-d'Or. Et de plus en plus fort, on va gréver encore au travers des doutes, et aussi à Chicoute, à la rue, à la foire, on va gréver encore. Quand les frères vont nous parler, qu'on les aura vus grandir. Quand ce sera leur tour de choisir ce privé qu'ils désirent. Quand nos têtes seront vides, qu'on n'aura plus de science. Quand plus personne va étudier, qu'il ne restera plus qu'à se pendre. On va gréver encore au travers des routes de Québec à Montréal. Et de plus en plus fort, on va gréver encore au travers des gros coups de Sherbrooke à Laval. À la rue, à la foire, on va gréver encore. Quand les temps ont changé, l'université démodée. Quand toutes les études sont privées, que les frais sont là pour rester. Quand sans argent, sans plan, on partira au gré du temps. Quand vous lèverez le doigt sur notre accès qui est un droit. On va gréver encore. Après ce faux coup, après vos déboires, et de plus en plus fort, on va gréver encore. Au prix que ça coûte, ces connaissances dissoutes, c'est vraiment pas fort, on va gréver encore. Toutes les personnes. Gros rêve français, qui pense que la France a le droit de rêver un avenir. Qui pense qu'on peut toujours tout essayer. À tous ceux qui aiment l'encre et la discipline, aux gens d'en bas et les hautes sphères, c'est à vous que je m'adresse. Let's go. On passe à l'essentiel, Sarko présidentiel, en route pour le marathon. On verra quel patron, ça te viserait pas la devise, mais que tout peut devenir possible. Un homme de caractère, qui a la sagesse d'un éléphant, la destinée des grands dirigeants. Il a l'esprit clair et net, et le titre, c'est une clarinette. Avec Cécilia qui lui précisa qu'elle sera toujours à ses côtés, même jusqu'à l'Ibiza. La liberté, égalité, fraternité n'existe pas, mais avec lui à pas à pas, elle se rétablira. Retour au gouvernement, sa prise de la Bastille en concurrent l'UMP. Je ne me suis pas trompé, c'est l'homme qu'il faut à la France. Il a conquis un parti, il s'attaque de nouveau à nos vies. Sarkozy est ainsi pour sa campagne, on ouvrira le champagne. Je vous le dis sans état d'âme, en grosso modo, Sarko n'est pas Quasimodo. On l'appelle faire son taf et après il s'en va. On l'appelle faire son taf et après il s'en va. T'entends pas ou quoi? Je vous le présente, on l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va. Il a consacré sa vie en grande partie à son parti et à sa patrie. Il est ici et là. Pour lui tout est précieux. La preuve, il sera en banlieue. Ouvrez les yeux. L'élément est lancé en quête du gouvernement. Je bois du Polyakov, mais en lui je vois un cocktail Molotov. On crie mais c'est trop tard. Il n'y a pas de lézard. Il y a la manière et l'art d'être là au bon moment. Tel est hasard. Thierry Mariani l'a toujours dit. Il y a une majorité de chercheurs, une minorité de chasseurs. Comment l'expliquer? Il n'y a rien de compliqué. Je vous demande juste de plus communiquer au lieu de tout niquer. Allez aux urnes et votez pour Hugues Sarko. C'est simple à capter, je compte sur vous. Le compte à rebours est de retour pour qu'un nouveau président passe de nouveau à son tour. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va. On l'appelle Shoga, il s'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail, il le fait et il s'en va. Ok, je lève mon verre à la France, à ses habitants et à ses chances, et à Sarkozy, au cœur My Man Villa, au Mike Bestiol, c'est son effet maison. Ah, la racine à Elbeuf, yes. Ok, comprends bien, écoute ça. Que demande le peuple? Une nouvelle vision de la France. Ah. Balaye le tapis rouge, on l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. Il s'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait très bien. Il le fait et il s'en va. Non. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va. On l'appelle Shoga. Aussi la grande star. C'est une grande star. On l'appelle faire son travail. Il le fait très bien. Il le fait et il s'en va. On crie mais c'est trop tard. On critique mais c'est trop tard. Ne critiquez plus. Il a déjà fait son travail. Il le fait très bien. Il le fait et il s'en va. Il n'y a pas de hasard. Il sera élu plus tard. Et il fera bien son travail. Il le fera et il s'en ira. On l'appelle Shoga. Mais on l'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va.